Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous, où nous allons parler de Dune 2. Je ne m'éterniserai pas à redire ce que j'ai dit sur la première partie. Oui, ce n'est pas aussi stylé que la version de David Lynch. Le visuel et le son ne sont pas aussi riches. Ce n'est pas aussi fort émotivement. Le jeu des acteurs est beaucoup plus dans la retenue. Mais ça a tout de même de la classe, du style. C'est fait par des gens talentueux avec beaucoup de moyens. Oui, ça a beaucoup plus de classe que la mini-série. Par contre, j'ai l'impression que c'est moins fidèle. Faudrait que je relise le roman sans doute, mais il y a plusieurs éléments d'intrigue que l'on voit dans la mini-série et pas dans ce film et son précédent. La première partie, il y a des éléments qui semblent assez différents, notamment la fin qui me semble beaucoup moins conclusive sur certains points. Après avoir relu le premier roman, je confirme mes impressions. La mini-série ajoute peut-être quelques sous-intrigues, mais cela n'est pas sans raison et n'est pas contradictoire avec le livre. Et la fin du roman correspond plus à la fin de la mini-série, se terminant basiquement au même moment. Même le film de David Lynch, si on enlève un certain élément à la toute fin, se termine aussi sur la fin du roman. La version de Denis Villeneuve se termine sur une fin ouverte, qui appelle clairement à la suite Messiah of Dune. Pour avoir lu le roman suivant, à moins que le film ne soit pas du tout fidèle au roman, les amateurs des deux premiers films de Villeneuve risquent d'être fortement déçus par la suite qui ne correspondra aucunement à leur attente. Nous devrions avoir une suite se continuant pas mal dans le même esprit que les deux premiers, un récit de science-fiction complexe et intéressant, jouant de la politique, de la construction narrative et tout ça, beaucoup plus dans le dialogue et la réflexion que dans l'action. Cela pousse à se demander ce que sera le prochain film, comment ils vont à la fois rester dans la continuité de la fin de Dune deuxième partie tout en restant fidèles au roman. Par contre, il y a deux points de ce film qu'il me semble important de préciser, qui jouent un rôle important dans mon appréciation du film. Tout d'abord, je dois souligner l'extraordinaire travail pour identifier et définir les différentes entités jouant un rôle dans l'univers de Dune. Contrairement à de nombreuses autres histoires de science-fiction, les différentes planètes ne sont pas que des différences de climat avec la planète désert, la planète de la pluie, etc. Ici, les planètes ont véritablement une identité sociale distincte avec un esthétisme totalement différent, permettant de remarquer les différences culturelles, particulièrement pour Guy Prime, que je prononce peut-être très mal, je me rappelle pas comment ça se prononce. Donc, pour les Harkonnens. Déjà, le peu qu'on en voyait dans le précédent film avait déjà une certaine présence, ici beaucoup plus quand on a l'occasion de plus les voir, avec un fort travail visuel, sonore aussi. Il n'y a pas que les planètes avec leur peuple qui ont une identité forte. Je me dois de souligner la grande qualité de la représentation du Bene Gesserit, que j'ai peut-être encore mal prononcé. Non, je pense que c'est bien Bene Gesserit. Donc, si dans les précédentes adaptations, leur rôle est essentiel narrativement et très correctement souligné avec des personnages forts et des efforts du point de vue du maquillage, costume et ce genre de choses, ici on les voit vraiment à l'œuvre dans leur méthode et leur impact. Une entité centrale de l'univers de Dune. Une entité centrale de l'univers de Dune. Ah, parler de Dune, ça donne soif. Haha. Le second point que je me dois de mentionner est l'effort qui est donné à montrer les côtés plus sombres, plus violents, plus questionnables de l'histoire de nos héros, passés pratiquement à la trappe dans l'adaptation de David Lynch et abordés dans la mini-série. Ce côté important de l'histoire est exploré ici plus profondément, notamment par le rôle pas nécessairement positif de Jessica, un personnage qui semblait toujours plutôt positif dans les précédentes adaptations. J'ai trouvé cet aspect très intéressant. Une excellente adaptation qui me donne envie de voir la suite, mais aussi sans doute de dévorer boulimiquement la série de romans que je n'ai pas lu ou relu depuis bien trop longtemps. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 pour une nullité absolue telle que Trump Harkonnen. Pour Dune, deuxième partie, je donnerais un 4 sur 5. Et pour la première partie, j'avais déjà déclaré dans mon précédent épisode, mon précédent vidéo sur le sujet, que je pensais lui donner un 3 sur 5, mais que je reverrais peut-être à la hausse quand j'aurais vu la deuxième partie. Donc, je donne un 4 sur 5 pour les deux parties. C'est une excellente adaptation, même si je préfère toujours la version de David Lynch. Donc, au revoir et à bientôt!